Deux histoires similaires, pourtant si différentes. Deux jeunes en manque d'un père, plongés dans la souffrance. Soutenus par une mère, souvent seul et sans défense. Ouais, souvent seul et sans défense. Pendant ma jeunesse, j'ai manqué de repères. Je pleurais en manque d'un père. Je vivais avec ma mère, mes deux sœurs et mon frère. Je me laissais pas dominer, pas d'âme à la maison. Et ça a mal tourné, mon père travaillait beaucoup. Je le voyais jamais, ça me rendait fou. Comme quand dans une baston, je me prenais des coups. Avec lui, aucune complicité, mais beaucoup de fierté. Je sais qu'il veut mon bien, que je réussisse à l'école. Que j'évite les drogues et l'alcool. Que j'évite de passer mon temps en hors de colle. Mais au fond de moi, le manque d'un père retenti depuis que t'as mis maman dehors et qu'on est parti. Depuis ce jour entre nous deux, c'était plus pareil. Le trèfle à quatre feuilles était coupé en deux. Je quitte le MIC sur des larmes de tristesse. 2007. Le manque d'un père, c'est la galère. C'est pas tous les jours la fête, frère. Deux histoires similaires, pourtant si différentes. Deux jeunes en manque d'un père, plongés dans la souffrance. Soutenus par une mère, souvent seule et sans défense. Soutenus par une mère, souvent seule et sans défense. Ce qu'est la vie sans père, je ne sais guère. Mais vivre avec un père, je sais que ça peut être la guerre. Trop de conflits mentaires, dans mon silence. Aucune remontrance, un silence parfois flippant vis-à-vis de son enfant. Jamais satisfait des mes moindres faits. Ce que je fais, il s'en fout, je deviens fou. Beaucoup de ses méfaits m'ont poussé à faire ce que je fais. Et ce que je fais me plaît, tu le sais. Manque de complicité, j'ai tant eu besoin d'être félicité. Manque de bol, j'avais juste l'impression de pas exister. Le manque d'un père, pas dans la façon de l'être, mais dans la façon de faire. Responsable de mon mal-être, c'est dommage car tes conseils, j'aurais su quoi en faire. Moi, je te comprends pas, je ne te renierai pas car tu es mon papa. Mais sache que tes actes ne se justifient pas. Des insultes, des faux pas que je n'oublierai pas. J'ai 20 ans à l'instant où j'écris ce texte, trie mon esprit. Comptant le temps où je faisais peu partie de ton récit. Le manque d'un père, absent pas physiquement mais dans le moral. Le manque de soutien oral, ça fait mal. Et dans la rage de mes tristes paroles, j'espère te faire comprendre que t'es violent quand tu bois de l'alcool. Que maman est triste et de te voir comme ça, ça la rend folle. Je sors de l'ombre pour te dire le pire de la tourmente qui me hante. Je t'aime, tu le sais que lorsque je le chante. Tu le sais que lorsque je le chante. Deux histoires similaires, pourtant si différentes. De jeunes en manque d'un père, plongé dans la souffrance. Soutenu par une mère, souvent seul et sans défense. Ouais, souvent seul et sans défense.